c'est dans la rue que ça se passe. Quand on change d'air, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire, c'est dans la rue que ça se passe. Quand il se passe quelque chose, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire, c'est dans la rue que ça se passe. On va pas se laisser faire. Si les enfants veulent tous devenir astronautes, c'est pour se barrer de cette terre où ils devront vivre toute leur vie. Ensuite, ils grandissent, oublient la NASA à cause d'un 5,5 en maths, écoutent du black metal et vomissent la bière vendue par Pablo Trump. Ils se haïssent eux-mêmes sans trop savoir pourquoi. Le lycée leur apprend les modalités de l'échec, de l'humiliation, de la clope et du suicide. Ceux qui auront leur bac se ruineront en Malibu Coca. Puis, le soleil éclaire un peu plus leur chemin. Ils voient un peu mieux l'avenir parce qu'il n'y en a pas. Ils se psychanalysent eux-mêmes en découvrant que tout ça, ce n'est peut-être pas seulement de leur faute. Alors on se met à faire de la politique. Un autre monde est possible. Le changer serait tellement cool. Ils achètent des t-shirts avec des étoiles rouges et trouvent le mot « révolution » très beau. Ça ressemble à « revolver », mais surtout à « évolution ». Ils arrêtent de manger du McDo, refusent d'être français, ne regardent plus la météo. De toute façon, demain, il pleuvra. Le doute se mêle à leur tentative, vaine, forcément. Pourquoi refaire le monde, puisqu'il va péter ? Et puis ils se rendent compte que boire une bière fraîche avec une belle brune, c'est pas si mal. Le regard d'une fille vaut mieux qu'un combat perdu d'avance. L'amour, pas la guerre, ce genre de conneries. On emmerde une dernière fois la société, puis on revend son poster du Che. Cette fille devient notre femme. La bière fraîche devient notre bite. On s'entasse dans un meublé qu'il faudra payer. Un boulot, une puits, une bagnole, avec l'ouverture centralisée et la clim en option. On économise pour Noël et un peu de soleil à la plage. On devient gros, moche et gris. Les petits cons arrêtent de jouer dans notre pelouse et on se souvient qu'avant on avait des projets. On se souvient. On était jeunes, plein d'idées, tout ça pour rien. Parce que maintenant on attend. Tout le monde son abonnement au programme télé. Alors, avant de mourir, on va voir son petit-fils. Il veut devenir astronaute. Deviens-le, c'est ta seule chance. Pas du tout. Qu'est-ce que vous faites ? Je lis. Vous m'offrez un verre ? Si vous voulez. Vous venez souvent ici ? Non, quelquefois. Aujourd'hui, c'est par hasard. Pourquoi vous lisez ? C'est mon métier. C'est drôle. Tout à coup, je ne sais pas quoi dire. Ça m'arrive très souvent. Je sais ce que je veux dire. Je réfléchis avant de le dire pour savoir si c'est bien ça qu'il faut dire. Mais au moment de le dire, pif, Je ne suis plus capable de le dire. Oui, évidemment. Écoutez, vous avez lu Les Trois Mousquetaires? Non, mais j'ai vu le film. Pourquoi? Parce que... voyez, il y a là-bas Porthos. D'ailleurs, c'est pas dans Les Trois Mousquetaires, c'est dans 20 ans après. Porthos, le grand, le fort, un peu bête. Il n'a jamais pensé de sa vie. Vous comprenez? Alors, une fois, il faut qu'il mette une bombe dans un souterrain pour la faire éclater. Il le fait, il place sa bombe, il allume la mèche, puis il sauve, naturellement. Et en courant, tout d'un coup, il se met à penser. Il pense à quoi? Il se demande comment il est possible qu'il puisse mettre un pied devant l'autre. Ça vous est arrivé aussi, sans doute, hein? Alors il s'arrête de courir, de marcher, il ne peut plus. Il ne peut plus avancer. Tout explose, le souterrain lui tombe dessus, il le retient avec ses épaules, il est assez fort, mais finalement, au bout d'un jour, deux jours, je ne sais pas, il est écrasé, il meurt. En somme, la première fois qu'il a pensé, il en est mort. Pourquoi vous me racontez des histoires comme ça? Comme ça, un peu pour parler. Mais pourquoi est-ce qu'il faut toujours parler? Moi, je trouve que très souvent, on devrait se taire, vivre en silence. Plus on parle, plus les mots ne veulent rien dire. Peut-être, on devait... mais est-ce qu'on peut? Pas moi. J'ai toujours été frappé par ceci, c'est qu'on ne peut pas vivre sans parler. Pourtant, ça serait agréable de vivre sans parler. Oui, ça serait beau, hein. Ça serait beau, hein. C'est comme si on s'aimerait plus. Seulement, c'est pas possible. On n'y est jamais arrivé. Mais pourquoi? Les mots devraient exprimer exactement ce qu'on veut dire. Est-ce qu'ils nous trahissent? Il y a ça, mais nous les trahissons aussi. On doit pouvoir arriver à dire ce qu'on a à dire, puisqu'on arrive à bien écrire. Enfin, c'est tout de même extraordinaire qu'un bonhomme comme Platon, on puisse encore tout de même le comprendre. C'est vrai qu'on le comprend, on peut le comprendre. Et pourtant, il a écrit en grec il y a 2500 ans. Enfin, personne ne sait plus la langue de cette époque-là, c'est pas vrai, on ne sait plus exactement. Pourtant, il en passe quelque chose, donc on doit arriver à bien s'exprimer. Et il le faut. Et pourquoi faut-il s'exprimer? Pour se comprendre? Il faut qu'on pense. Pour penser, il faut parler. On ne pense pas autrement. Et pour communiquer, il faut parler. C'est la vie humaine. Oui, mais en même temps, c'est très difficile. Moi, je trouve que la vie devrait être facile, au contraire. Vous voyez, votre histoire des Trois Mousquetaires, c'est peut-être très, très beau. Mais c'est terrible. C'est terrible, oui, mais c'est une indication. Je crois qu'on arrive à bien parler que quand on a renoncé à la vie pendant un certain temps. C'est presque le prix. Mais là, de parler, c'est mortel. Oui, mais parler, c'est presque une résurrection par rapport à la vie, en ce sens que quand on parle, c'est une autre vie que quand on ne parle pas. Vous comprenez? Et alors, pour vivre en parlant, il faut avoir passé par la mort de la vie sans parler. Vous voyez, je ne sais pas si je m'explique bien, mais il y a une sorte d'ascèse, en somme, qui fait qu'on ne peut bien parler que quand on regarde la vie avec détachement. Pourtant, la vie de tous les jours, on ne peut pas la vivre avec... avec... Avec détachement. Oui, mais alors on balance, justement. C'est pour ça qu'on va du silence à la parole. On balance entre les deux, parce que c'est le mouvement de la vie qui est que on est dans la vie quotidienne et puis on s'en élève vers une vie, appelons-la supérieure, c'est pas bête de le dire, parce que c'est la vie avec la pensée, quoi. Mais cette vie avec la pensée suppose qu'on a tué la vie trop quotidienne, la vie trop élémentaire. Oui, mais est-ce que penser et parler, c'est pareil? Je le crois, je le crois. C'était dit dans Platon, remarquez. C'est une vieille idée. Mais je crois qu'on ne peut pas distinguer dans la pensée ce qui serait la pensée et les mots pour l'exprimer. Analysez la conscience, vous n'arriverez pas à saisir, autrement que par des mots, un moment de pensée. Parler, alors, c'est un peu risqué de mentir. Oui, parce que le mensonge, c'est un des moyens de la recherche, je crois. Il y a peu de différence entre l'erreur et le mensonge. Maintenant, oui, ne parlons pas du mensonge cru, ordinaire, qui fait que je vous dis, je viendrai demain à 5 heures, puis je ne viens pas parce que je n'ai pas voulu venir demain à 5 heures. Vous comprenez, ça, c'est des trucs. Mais le mensonge subtil, c'est souvent très peu distinct d'une erreur. Quelque chose on cherche, et puis on ne trouve pas le mot juste. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pour ça que ça vous arrivait de ne plus savoir quoi dire. C'est parce qu'à ce moment-là, vous aviez peur de ne pas trouver le mot juste. Moi, je crois que c'est ça. Oui, mais comment être sûr d'avoir trouvé le mot juste? Ben, il faut travailler. Ça vient qu'à la force, quoi. Dire ce qu'il faut, de façon à ce que ça soit juste, c'est-à-dire que ça ne blesse pas, que ça dise ce qu'il faut dire, que ça fasse ce qu'il faut que ça fasse, sans blesser, sans meurtrir. Oui, au fond, il faut essayer d'être de bonne foi. Une fois, quelqu'un m'a dit, la vérité est en tout, et même un peu dans l'erreur. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'on n'a pas vu tout de suite en France, je crois, au XVIIe siècle, quand on a cru qu'on pouvait éviter l'erreur, non seulement le mensonge, mais l'erreur, qu'on pouvait vivre dans la vérité comme ça, directement. Je crois que c'est pas possible, que pourquoi il y a eu Kant, il y a eu Hegel, la philosophie allemande, c'est pour nous ramener dans la vie, à savoir nous faire accepter qu'il faut passer par l'erreur pour arriver à la vérité. Qu'est-ce que vous pensez de l'amour? Il a fallu qu'on introduise le corps, et vous avez qu'à voir, Leibniz a introduit le contingent, les vérités contingentes à côté des vérités nécessaires, c'est la vie quotidienne, et de plus en plus, voilà ce qui s'est développé dans la philosophie allemande, c'est-à-dire qu'on pense dans la vie avec les servitudes de la vie, les erreurs de la vie, et puis il faut se débrouiller avec ça. C'est vrai. Est-ce que l'amour ne devrait pas être la seule chose vraie? Oui, mais il faudrait que l'amour soit tout toujours vrai. Or, est-ce que vous connaissez quelqu'un, vous, qui sait tout de suite ce qu'il aime? C'est pas vrai, quand vous avez 20 ans, vous ne savez pas ce que vous aimez. Vous savez des bribes. Vous attrapez, dans votre expérience, vous dites « j'aime ceci ». C'est souvent mélangé, mais pour arriver à vous constituer entièrement avec simplement ce que vous aimez, il faut la maturité. C'est-à-dire, il faut la recherche. C'est ça, la vérité de la vie. C'est pourquoi l'amour est une solution, mais à la condition qu'il soit vrai. Une question tout de suite pour trier un peu, on va peut-être faire la politique tout de suite. Alors, une question à Daniel. Oui, allô, monsieur Gildas? Oui, et surtout oui, Daniel. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Balavoine, félicitations pour tous vos albums qui sont très très bons. Merci. Et je voudrais poser une question à monsieur Balavoine. Que pense-t-il du racisme en France et du trop-plein, pour moi, de maghrébins qu'il y a en France? Du trop-plein de maghrébins, ce qu'on dit les maghrébins, les arabes, car j'ai habité un quartier chaud de Marseille. Et les Arabes, bon, moi, personnellement, j'en ai marre. Hein. Est-ce que le caméraman peut faire un gros plan sur les personnes qui sont derrière moi? C'est possible? Voilà. Monsieur, est-ce que vous voulez que je demande à ces gens-là de sortir de la pièce ou est-ce qu'ils peuvent rester? Non, pas à ce point, mais non, je pense... Bon, je vais vous dire quelque chose. Allez. Il faut savoir que les Maghrébins et autres sont rentrés en France pour l'exploitation financière. Ça veut dire qu'à l'époque où c'était l'euphorie économique dans les pays européens, y compris en France, ça arrangeait bien les exploiteurs de main-d'œuvre de faire rentrer de la main-d'œuvre moins chère. Et le chômage qui a lieu aujourd'hui et tous les problèmes qui ont lieu aujourd'hui ne sont pas dus à la présence des Maghrébins ou des Noirs ou des Jaunes ou de tout ce que vous voulez en France, mais est dû à des enfoirés qui portent souvent le nom, c'est vrai, de patronat ou de gens d'extrême droite qui ont exploité les races pour les payer moins cher et maintenant voudraient s'en débarrasser alors qu'il est incontestable que ces gens-là qui ont travaillé depuis les années 58, même des fois avant, jusqu'aux années 73-74, c'est-à-dire jusqu'à la crise pétrolière, sont des gens qui ont participé à cette euphorie commerciale, qui ont participé à la réussite de la France parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils ont travaillé à des prix honteux et exploités par des gens. Alors je crois que s'il y a bien des gens qui ont le droit de rester en France, c'est sûrement plus souvent les chômeurs maghrébins qu'une partie des chômeurs français. Et ça, ouais. Que ça soit clair, moi c'est ce que je pense, et en plus là je deviens, comme vous dites des fois, je dis c'est très sale. Bien. C'est odieux. Non, mais vous êtes là pour dire ce que vous pensez. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Parce que comme je crois, oui. Comme je pense, vous êtes sincère, et vous ne vous croyez pas raciste, vous? Pas tout à fait. Non, ah ouais. Donc pourquoi? Non mais c'est très honnête, au contraire, d'ailleurs, qu'il ne se croit pas tout à fait raciste, donc il n'ose pas dire, il pense qu'il ne l'est pas, et en même temps il a l'impression de faire du racisme. Pourquoi est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de Maghrébins, vous qui habitez Marseille? Parce que moi, je vous dis honnêtement, je suis au chômage depuis novembre 84, et si je n'ai pas d'emploi, c'est que des Maghrébins me prennent la place. Oui, non, on vous a fait courir le mou, hein. Quand on les voit à la télé se plaindre de la France, alors qu'ils ont des logements et du travail chez Renault et tout ça, et bloquent les usines qui ne devraient pas être autorisées, ce qui me révolte le plus, c'est de les voir, alors qu'ils ne sont pas dans leur pays, foutre la merde. Mais je suis pas sûr que vous ayez raison. Je ne pense pas qu'on trie chez Renault, par exemple. Vous allez choquer tous ceux qui travaillent chez Renault. On ne trie pas à l'entrée, on ne dit pas priorité aux Maghrébins. Non, tout mais c'est à égalité, les premiers à cette affiche qu'on voit à la télé, les premiers à se plaindre à la télé. Non, mais, enfin, dans toutes les usines qu'il peut y avoir, c'est les Maghrébins qu'on voit en premier à la télé. Oui, mais je ne suis pas sûr, monsieur, que vous ayez... Je ne pas qu'ils aient du travail, que moi, j'en ai pas. Ah non, non. Que vous n'ayez pas de travail est embêtant, mais c'est évident. Mais ce qui n'est peut-être pas juste dans votre raisonnement, c'est de croire que les Maghrébins vous le prennent. Ah oui, mais ça, je suis sûr. Non, il n'est pas... vous en voyez qui ont du travail, mais il y a d'autres campagnes tout à fait racistes qui consistent à dire ils vivent sur notre dos, ce sont eux qui coûtent le plus cher à la sécurité sociale, vous connaissez le problème. Alors que c'est le plus grand nombre de chômeurs, c'est le plus grand nombre de travailleurs, c'est le plus grand nombre de délinquants. Moi, je sais que quand ils vont à la CEDIC ou n'importe quelle administration, ils pleurent, ils ont ce qu'ils veulent. Je voudrais te dire une chose. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison de passer des heures sur des trucs comme ça. En ce qui concerne l'administration pour les Maghrébins, je fais partie, malheureusement depuis deux mois, je m'en occupe plus tellement parce que j'ai eu beaucoup de travail. Je fais partie du comité Stop Racisme de Colombes, c'est-à-dire les succursales d'SOS Racisme. Et j'ai découvert plein de choses quant aux priorités des Maghrébins. Il y a des choses qui se passent dans toutes les mairies de France qui sont totalement illégales. C'est notamment justement la priorité des logements. Non pas, monsieur, pour les Maghrébins, c'est totalement faux et je peux vous le prouver quand vous voulez, mais justement pour les Européens. Et on fait passer souvent des Maghrébins qui sont pourtant détenteurs soit de la carte de résidence, soit de la carte de travail, soit devenus français. On les fait passer en arrière de la liste systématiquement. Moi, maintenant, je suis vraiment navré que vous soyez chômeur. Il y en a d'autres que vous qui le sont. Moi, je l'ai été longtemps. Ça peut faire sourire, évidemment, parce que maintenant, je suis bourré de privilèges, mais je les ai peut-être gagnés. Je ne dis pas que c'est bien que vous n'ayez pas de travail. J'en suis vraiment profondément navré. J'espère que vous en trouverez. Mais je crois qu'il y a un profond changement, et là, on va arrêter là-dessus, j'espère en tout cas, un profond changement de mentalité opéré en France, qui est celui de dire qu'il faut arrêter de dire que c'est de la faute des immigrés. Les immigrés sont rentrés en France pour travailler comme dans tous les autres pays parce que le patronat les y a incités et que encore aujourd'hui, s'il y a du chômage, c'est dû aussi beaucoup par contre à l'immigration clandestine qui n'est pas faite par les Arabes eux-mêmes mais par les patrons et par les patrons qui essaient d'avoir des employés en les payant le moins cher possible. Et ça, c'est à ça qu'il faut s'attaquer et pas à autre chose. Micro ouvert. Allez, c'est parti. Donc une rencontre en France. Vous précisez ça On est en France, à Sainte-Foy-la-Grande, près de Bordeaux. Sainte-Foy-la-Grande, est-ce que donc c'est une ville quand même, hein, Sainte-Foy-la-Grande, c'est pas un village, il faut préciser. C'est une ville et comme c'est limitrophe avec plein d'autres villes, il y a une population quand même qui est importante. Combien de personnes, genre, à Sainte-Foy-la-Grande? Je crois que juste Sainte-Foy-la-Grande, ils sont à peu près 2800, mais avec toutes les petites villes qui sont limitrophes, on monte vite fait à 18 000, pas loin de 20 000 habitants. Oui, ça avec les autres pays, les autres villes, quoi, mais juste à Sainte-Foy-la-Grande. Sainte-Foy-la-Grande, ouais, à peu près 2800 habitants. Ok. Vous, vous êtes une famille de 5 personnes, 2 adultes avec 3 enfants, si je comprends bien? Oui, tout à fait, c'est ça. Vous habitez Sainte-Foy-la-Grande depuis combien de temps? On s'est installé à Sainte-Foy-la-Grande, ça fait à peu près 4 ans, justement pour le commerce, parce qu'on est originaire du Lot-et-Garonne, donc on est venu tenter notre chance ici. Pourquoi ici, à Sainte-Foy-la-Grande? Parce que justement, les gens ils disaient sur cette ville qui était pas mal, qui était attrayante, où il y avait beaucoup de touristes, et le cadre était pas mal, et la région pas mal. Donc c'est pour ça que j'étais intéressé de venir par ici. Est-ce que vous êtes un peu renseigné avant de venir ici? C'était quoi un peu les gens qui s'y trouvaient? Comment ils pensaient? Puisque moi j'ai entendu, on va aller de but en blanc, hein, parce que j'ai entendu de plus en plus en Belgique, en France, il y avait plein de petits patelins, de petites villes qui devenaient de plus en plus fascisantes comme ça. Hein. Et donc, parce que c'est ça aussi que vous rencontrez comme problème, il faut aussi dire, c'est de la radio, on ne voit pas que vous êtes... C'est quelle nationalité que vous êtes? Mais ma nationalité, elle est française. Mais mes parents, voilà, ils sont originaires du Maroc. Ils ont été immigrés il y a au moins plus de 50 ans. Et votre femme? Pareil, elle est marocaine, mais née en France. Parce que c'est visible, et ça, enfin, c'est visible, c'est visible. Vous êtes basané comme moi. Hein. Moi, je suis fier de... Vous êtes basané, et donc ça se voit très clairement que vous, voilà. Faut parler, les mots sont les mots, donc il ne faut pas avoir peur des mots, bien sûr. On est basané et fier de l'être, bien sûr. Voilà. Et la richesse, je crois, c'est le divertissement et... La diversité. Et la diversité, exactement. Le divertissement, c'est autre chose. Voilà, vous le couperez, j'espère, au montage. Non, ça fait partie de la difficulté aussi, peut-être, de votre situation, qui est que ben, voilà, vous n'avez pas forcément toujours les bons mots... en face des interlocuteurs qui, eux, la maîtrisent complètement puisqu'ils sont nés ici. Donc c'est peut-être ça aussi qui peut des fois rencontrer quelques problèmes et qu'il peut, eux, du coup, être plus fort que vous parce qu'ils maîtrisent bien la langue. Oui, ils maîtrisent bien la langue parce qu'ils ont eu la chance d'aller dans les études poussées. Voilà. Parce que si je devais raconter ma vie, je suis né en France et je peux vous dire qu'ils nous ont... Où ça, en France? À Villeneuve-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Dans le 47. C'est où, après d'où une grande ville que j'ai un repère? Agen, Villeneuve-sur-Lot. Toulouse. Toulouse, voilà, quelques kilomètres de Toulouse. Donc, je suis né ici. Mais la politique faisait qu'ils nous ont poussé des bancs de l'école plus rapidement que la moyenne. Et comment ils te poussent de l'école? Comment ils nous poussent de l'école? Par exemple, quand on suit notre scolarité, on suit le chemin... Arrivé en quatrième, c'est là où on voit un conseiller d'orientation. Et ce conseiller d'orientation, par exemple, à tous mes amis, qui étaient tous basanés, la plupart, ils nous disaient que le meilleur métier pour nous, c'était la maçonnerie, la plomberie, le plaquiste, etc., etc. Jamais les autres métiers, du secteur premier, par exemple. Et vous y croyez quand ils vous disaient ça? T'avais quel âge alors? J'avais à peu près allez, 13 ans, 13 ans, 14 ans. Non, on le savait que c'était que du baratin, mais c'était calculé exprès. C'était vraiment calculé exprès. Voilà, c'est une politique. Après, si on fait du mathématique, on a vite calculé. Si tous les enfants d'immigrés trouvaient un poste ou restaient longtemps dans les études, je crois qu'il y aurait un problème pour le pays en lui-même. Explique pourquoi. Ben, pour leurs enfants, il faut penser à tout le monde. Donc ils ont des enfants, ces enfants-là méritent leur place à la vue de quelques personnes. Ils méritent plus leur place que par exemple moi. Donc si on calcule, on a vite fait l'addition. Ah oui, tu voudrais dire que si tu prendrais le travail de d'un... On va parler basiquement, tu prendrais le travail d'un blanc, quoi, de quelqu'un qui fait partie du pays. C'est ça que tu veux dire, en fait. Mais si on calcule bien, pourquoi autant de jeunes arrivent à sortir de l'école alors qu'ils ont vraiment les capacités et les bagages pour partir, pour aller au bout de leurs études? Mais arrivé à un moment, il y a toujours des difficultés sur leur parcours. Et pourquoi? Mais moi, j'aime la politique. Je l'écoute, je regarde beaucoup. Je sais d'où ça vient, ces problèmes. C'est les problèmes de nos élus, justement, ceux qui nous sortent, juste avant les présidentielles, avant voilà, des votes clés. Il y a toujours, vous avez déjà entendu, j'espère, de la Belgique parler de la discrimination positive, de l'identité nationale, de toutes ces questions-là. Ce n'est pas des questions anodines, ce n'est pas des questions qui tombent du ciel. C'est des questions poussées, recherchées. Mais le plus décevant en 2015 en France, c'est que même le Parti Socialiste, maintenant, avec son Premier ministre, qui arrive à sortir des choses comme ça, qui arrive à dire que bientôt il y aura les chocs des civilisations, qui arrive à parler d'apartheid. Un socialiste, quand même, c'est le pompon. Voilà, c'est vraiment le pompon. Et qu'est-ce qui se passe pour vous alors dans votre famille, en fait, parce qu'il faut préciser, c'est pas chouette ce qui se passe pour vous à Sainte-Foy-la-Grande, quoi. Donc je rappelle, vous êtes là depuis 4 ans dans cette ville. C'est quoi le problème, en fait ? Vous êtes venu ici donc pour travailler, pour faire votre vie. Vous êtes dit, voilà, on vous a dit, allez à cet endroit-là, c'est un bon endroit pour vivre. Voilà, pour le commerce. Donc on est arrivé il y a 4 ans ici. Bon, c'était pas renseigné plus que ça. Nous, on est venu pour commencer une vie. Voilà, un projet de vie, un projet de commerce, etc., etc. Pourquoi pas à Toulouse, par exemple, que j'essaye de comprendre pourquoi vous êtes venu précisément ici. Par rapport à déjà de la famille qui était pas loin d'ici, j'ai ma sœur qui est mariée dans le secteur, donc il y a quelques années en avant. Donc je l'ai rejoint en quelque sorte. Donc j'étais venu en vacances, j'étais venu le jour de ses mariages, les naissances des enfants et tout. Donc je connaissais un petit peu la ville. Donc je la trouvais vraiment bien faite, mignonne et tout. Mais on est venu plus avec le projet d'ouvrir un commerce parce que la ville en elle-même, il n'y avait plus de commerce ouvert. Tout était fermé. Donc on s'est dit, on va tenter notre chance. C'est qu'après, quand comprenant et en voyant la situation, qu'on a compris que c'était plus les pouvoirs publics qui empêchaient les gens à ouvrir ou à continuer leur commerce qu'autre chose. Alors, comment tu peux expliquer ça ? Comment moi je peux te croire que c'est pas simplement dans ta tête ? Explique-moi pourquoi tu penses ça. Voilà, parce que nous, dès qu'on est arrivé, c'est simple, on est arrivé à la première semaine d'ouverture. Je me suis inscrit à la Chambre des commerces. Une semaine après, on a eu la première punition de la mairie. Le policier municipal, il est venu, il nous a fait signer un papier en plein, en plus, pendant le service de midi, quand il y a du monde. Il est venu, il nous a fait signer un papier. Moi, je ne suis pas un professionnel du commerce, et faisant confiance à l'uniforme, j'ai signé. Et il s'avérait qu'en fait, c'était une interdiction municipale, donc un arrêté municipal, interdisant 3 maghrébins sur toute la rue Victor Hugo, à fermer à 11h. Redis ce que tu viens de dire. 3 commerçants maghrébins sur tous les autres commerçants, donc sur toutes les autres restaurations, on n'est pas loin de 10 dans la rue, et bien on était les 3 maghrébins à être visés par cet arrêté municipal. Donc c'est une question de nombre, voilà, c'est pas spécialement qu'on vous cible vous, mais vous êtes les 3 personnes d'origine étrangère qui, voilà, au pif, on met, oui, et commerçants, on case 3 personnes au pif, voilà, ça tombe sur vous. Les 3 commerçants maghrébins, la première année, on a été punis tous. On a tous été interdits d'ouvrir après 11h du soir, voilà. Sauf que moi, j'ai pas accepté cette punition. Peut-être que les autres, ils ont le dos rond. Mais attends, parce qu'avant de continuer, précisons bien que c'est pas toi précisément, ni ton épouse, ni tes enfants qu'on cible, mais c'est simplement le fait que vous êtes étranger. Ah oui. Voilà, il y a une loi, je sais pas d'où elle vient d'ailleurs, et d'ailleurs je sais même pas si ça existe. Donc c'est à partir de là qu'on commence à vous ennuyer. Exactement, c'est vraiment par rapport à la couleur, c'est pas autre chose, et de toute façon l'arrêté municipal en lui-même, j'ai fait appel aux SOS racisme et tout, c'était vraiment le but de nuire aux 3 maghrébins. On t'entend pas et c'est chouette d'avoir une voix de femme aussi. Oui, attends. Pour avoir accès à tout ça, on est resté pendant un an fermé à 11h, on a été punis. Pour rien, mais je veux dire, on venait juste d'arriver dans le secteur, on était nouveau. Peut-être qu'il y avait des soucis dans la rue entre commerçants, mais je veux dire, nous, on était pour rien. Ça veut dire qu'on a été punis avec les autres personnes. Ça veut dire qu'ils nous ont mis dans la même case parce qu'on était d'origine marocaine. Surtout qu'on n'avait même pas ouvert encore, on venait juste d'ouvrir. Alors, on a été punis pendant un an. Monsieur, il a fallu qu'il passe par des appeler SOS racisme, appeler des gens au secours, mais il fallait quand même faire une grève de faim pour arriver à aller faire des menaces carrément à la mairie, dire voilà, je vais me jeter, je vais faire ci, pour arriver qu'un jour, comme ça, il soit arrivé, voilà, ben on vous sort l'interdiction d'ouvrir à 11h. Ils nous ont remis les heures normales. Sans raison, sans rien, sans motif, ils sont arrivés avec le papier, ils nous ont sorti l'interdiction d'ouvrir l'heure des heures normaux qu'un commerçant est là. J'essaie de comprendre. Hein. Donc, vous avez une interdiction en tant qu'étranger de ne pas pouvoir ouvrir votre commerce après 11h, c'est ça ? Après 23h. Vous n'écoutez pas, vous vous dites, ben non, nous on a le droit, au on ne voit pas. On a respecté au début parce qu'il nous a dit oui, parce qu'il y a trop de bruit dans la rue. Il y avait un commerçant qui avait des soucis avec un autre commerçant. C'était des voisinages, quoi. C'était une guerre de voisinage entre concurrents et commerçants. Mais je veux dire, moi, ce que je n'admets pas, ce qu'ils nous ont mis dedans, qu'on ne connaît même pas ces gens-là. Ils se sont dit, voilà, on met tout le monde dans le même sac. C'est deux Marocains, eux aussi, ça va faire le bordel. C'est un kebab. Voilà, pour eux, quand ils voient que c'est un kebab, que c'est des Maghrébins qui travaillent, ils ne voient pas qu'on travaille avec notre sueur, je veux dire. Ils s'imaginent toujours qu'il y a autre chose. Je veux dire, nous, quand le soir qu'on est là, on a un fond de clientèle de jeunes. On a du monde qui attend parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Alors, c'est normal qu'il y a la queue, que les gens ils sont dans la rue et tout. Eh bien, ils ne tolèrent pas. Moi, on a un voisin, ça fait depuis qu'on est arrivé ici, il nous casse les pieds. À partir qu'il voit deux ou trois personnes, ils appellent la police. Mais la police, elle arrive vite fait et elle nous donne toujours tort. Elle nous demande de fermer ou de calmer les clients. Ils disent que je suis responsable de mes clients. Ça fait qu'il faut que je fasse la police aussi dehors. Et que je n'admets pas que mon avocat et mon assurance, ils m'ont dit devant mon siège, ça ne me regarde plus, qu'est-ce qui se passe dehors. Voilà. Et quand nous, on se plaint, je veux dire, quand le voisin, il me fait des trucs, je veux dire, il marcelle pas à venir travailler parce que j'étais malade, même plus venir travailler parce que j'ai même porté plainte, ça aboutit à rien du tout. Mais quand c'est lui... Tu as porté plainte, pourquoi ? J'ai porté plainte parce que le voisin, ce que je vous dis là, qui m'embête depuis 4 ans que je suis ici, un matin, pareil, j'avais bien travaillé le soir, j'ai eu du monde, mais le matin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ramassé toutes les canettes qui traînaient et me les a mis devant la porte. En étant femme, j'étais toute seule. Il est venu devant moi, il m'a agressée, il m'a mal parlé. Je suis allée porter plainte, ça n'a rien fait. J'ai appelé la gendarmerie, ils ne sont même pas venus. Ok, et il a ramassé les canettes qui traînaient devant votre commerce. Enfin, non, il les a même pas ramassées, c'est moi. Ou il ramasse les canettes partout aux alentours pour pouvoir les mettre devant chez vous. Parce qu'ils disent que le bon, comme les gens ils prennent des boissons, c'est vrai qu'ils en mettent dans la rue et tout. Mais bon, comment on peut faire nous ? Je vais pas prendre une sac poubelle et faire la rue. Il faut laisser ça aux éboueurs, non ? Chacun a son travail. Mais moi, je le vois comme ça, je ne suis pas responsable. Ils disent que je suis responsable de la rue, quoi. Je dois calmer les gens, je dois calmer. Je suis là en train de travailler, mais je dois faire la police dehors aussi. Mais c'est n'importe quoi. Il n'y a que cette politique que je vois que ça se passe ici à Sainte-Foy. Parce que moi, j'ai déjà fait du commerce ailleurs et tout, je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe ici, je ne l'ai jamais vu ailleurs. C'est comme, par exemple, en 2012, voilà, on avait l'autorisation de tout. De tout, ça veut dire de la fête, de la musique. On avait l'autorisation du maire, on avait l'autorisation de l'arrêt municipal, qu'on avait le droit de mettre la terrasse jusqu'à 2h du matin d'ouvrir. Et bien, à 11h, j'ai la police qui est arrivée, qui a débarqué comme ça, j'ai plein de témoins. On avait la terrasse, il y avait du monde, on avait plein de commandes. Ils nous ont demandé de fermer à 11h. Je leur ai présenté les papiers en disant... Je ne ferme pas, j'ai toutes les autorisations. Elle me l'a jeté comme ça et elle m'a dit non, c'est pour le stationnement. Elle m'a pris carrément, je ne sais pas lire ou quoi. Et elle a dit, il faut fermer. Elle nous a donné exactement 5 minutes pour ranger, pour virer tout le monde. On avait embauché 2 personnes qui faisaient des frites d'or avec des merguez. Il y avait une cliente, bon, elle n'avait pas fini, un exemple, elle n'avait pas fini ses frites. Ils sont arrivés au bout de la rue, la police, ils l'ont refait demi-tour. Le temps qu'ils reviennent, les frites n'ont pas encore été servies. Eh bien, nous a collé une amende quand même, en disant qu'on n'avait pas respecté les 5 minutes, qu'on avait toutes les autorisations. Là, il n'y a pas longtemps, le 14, l'année dernière aussi, la fête de la musique, pareil. J'avais une voiture, qu'on m'a mis une voiture devant. C'est le fameux voisin qui, je suis toujours embêtée, quoi. Et bien, il m'a mis sa voiture en face. Je n'ai pas pu sortir la terrasse. J'ai appelé la police, j'ai appelé tout le monde. Personne ne s'est présenté. Et toute la soirée, ben, j'ai perdu ma soirée. Je n'ai même pas mis de la terrasse, je n'ai même pas pu travailler. On est parti en vacances. On est parti en vacances pendant un petit une semaine. On est parti en vacances à la plage l'année dernière. Quand on revient, il y a un voisin à moi, un ancien charcutier, qui m'appelle. Il me dit, ouais, viens, Moussafa, il y a des barrières devant ton restaurant. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ? J'arrive en courant et tout, je vois des barrières de la mairie pour faire les manifestations, tout, les grandes barrières. Quoi, avec des fils barbelés, non, quand même. Presque, il y avait un arrêté municipal avec la couleur rouge et blanche. Donc c'était vraiment pour attirer l'œil. C'est plus pour faire peur aux gens. Avec deux barrières devant le kebab, en disant, attention, il y a eu quelque chose de grave là-dedans. Vous croyez que les gens, ils lisent les arrêtés municipaux qu'il y a dessus ? Ils ne les lisent pas. Ils voient des barrières, ils voient quelque chose, alors il y a eu quelque chose dedans de grave. Voilà les gens comment ils pensent, et c'est les retours que j'ai eus. Alors quand on est venu demander à l'Amérique pourquoi ils avaient mis ces barrières, soi-disant il y avait des choses qui tombaient du toit. Je leur ai réclamé qu'ils me montrent ce qui était tombé. Et bien ils étaient incapables de me montrer ce qui était tombé. Manque de peau pour eux, j'avais eu mon couvreur qui était passé un mois avant. Il m'a fait une attestation en disant que rien ne pouvait tomber de ce toit. Je suis allé les voir. Bon, dans la journée, directement, ils m'ont enlevé les barrières et tout. Ils sont venus soi-disant s'excuser en disant que tous les commerçants allaient être punis pareil, qu'ils allaient tous avoir la même chose. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, ça fait un an et demi, on a été les seuls à avoir cette chose-là, cette punition. Parce que moi, tout ça, je les appelle des punitions parce que c'est vraiment pour me taper dans le porte-monnaie, c'est pour que je ferme, tout simplement. Oui, pour que vous vous en alliez, pour que vous ne supportiez plus la situation, pour que vous partiez, en fait, en gros. En tout cas, c'est ça que ça donne comme impression. Mais vous appelez comment ? Enfin, si vous voulez pas dire votre nom, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez rester anonyme. Hein. Je dis ça parce que c'est bien de donner un prénom. Mais vous, Nadia, mon prénom c'est Nadia. Nadia, vous expliquiez aussi que vous ne saviez pas lire. Si, enfin, la gendarme me fait croire que je ne sais pas lire, que le papier il était bien écrit, arrêté municipal et tout, et elle m'a dit non, c'est pour les voitures. Je dis quand même, je sais que c'est écrit, j'y vais le maire et tout, et malgré ça, voilà quoi, ma parole, elle ne voulait rien dire. Elle me l'a jetée, pour elle c'était visé, il faut que tu fermes, point. Et elle avait une raison. On s'est vu un an après, on a reparlé dans l'histoire, on leur a dit qu'on avait toutes les preuves, qu'on avait les papiers, ben, elle ne savait même pas quoi dire. Elle ne savait pas quoi répondre. Et en revenant pour la terrasse, on a fait une lettre recommandée, comme d'habitude, avec le dessin de la terrasse, comme on fait une demande. On attend toujours la réponse. On n'a pas eu de réponse par le maire. Il nous a dit ça en réunion. On a été en réunion, on avait demandé une audience avec lui. Et c'est là qu'il nous a dit, vous n'aurez pas le droit à la terrasse cette année, parce que je n'ai pas envie d'avoir que quelqu'un ou un client, il lui arrive quoi que ce soit, que je sois responsable. Mais je trouve que son motif, il est ridicule, parce qu'il est responsable de rien du tout, parce qu'on a une assurance qui couvre les clients, on est responsable de nos clients à partir qu'il y a une terrasse, qu'il arrive quoi que ce soit, c'est nous les responsables. Alors c'est ça le motif de monsieur le maire. C'est surtout les termes qu'il emploie. Oui, voilà. Pour un élu de la République, pour un maire, qui vienne me voir comme ça et qui me dit... Et s'il y a quelqu'un qui se fait écraser ou qui a un accident, c'est Bibi qui paye. Pour venant de la bouche d'un élu, venant de la bouche d'un maire, ça sonne vraiment faux. Voilà. Bon, moi j'entends votre histoire et je vous crois sur parole, évidemment. Je veux dire, si on vous martèle, si... vous ne racontez pas n'importe quoi, non, d'accord ? Surtout que nous, on est des personnes, on garde toutes les preuves, parce que, voilà, je compte tout ça, pas en rester là, c'est un dossier qui est lourd, qui est en cours. Alors, je sais qu'on n'a pas le droit d'enregistrer, on n'a pas le droit de filmer, mais je suis arrivée à un point pour me croire, mais c'est ça que je fais. Quand je suis en réunion, n'importe, mais je enregistre les gens, je enregistre leurs conversations. Comme ça, j'ai des traces, et je fais beaucoup de l'aide recommandée. Comme ça, voilà, on ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce qui est... Oui, moi, ma question suivante, c'était vraiment de dire, mais qu'est-ce que vous faites, en fait ? Parce qu'on pourrait énumérer toutes les sales coups qu'ils vous font, ce que vous répondez, mais bon, c'est pas intéressant. Moi, je comprends bien, on comprend bien en vous entendant qu'il y a vraiment un objectif qui est de vous faire partir, de vous ennuyer dans votre vie, de faire tout en sorte pour que ça marche pas bien pour vous. Mais quels sont, vous, comment vous êtes renseigné pour pouvoir vous défendre convenablement ? Et aussi, est-ce que... Comment est-ce que Front National ici à Sainte-Foy-la-Grande est grande ? Enfin, moi j'ai entendu ça. Oui, c'est vraiment Là, c'est vraiment le Front National qui s'est installé à Sainte-Foy-la-Grande. En plus, c'est tous leur première mission. Alors, je veux dire, c'est tous leur première... C'est la première fois qu'ils sont maires et compagnie pour la plupart. Ils ne savent pas et ils en font que des bêtises, de toute façon. Être commerçant, je ne pense pas qu'ailleurs, un commerçant, il vit ce qu'on vit, quoi. Je veux dire, on se bat pour travailler. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, on se bat pour travailler. Je veux dire, je ne sais pas. Alors, quand ils voient qu'on a du monde et tout, ben, ça ne leur plaît pas. Alors, ils font des coups, appeler la gendarmerie. Déjà, c'est pour nous salir. Ils essaient de nous donner des mauvaises publicités à part aux clients, je veux dire. Juste un client qui voit la gendarmerie dans un commerce, voilà, il y a des choses qui se passent, c'est bizarre. Ils essaient de nous casser, oui, en faisant des trucs comme ça. Ce qu'on entend là, c'est la voix de votre enfant. Voilà, de votre petit enfant qui a quel âge, lui ? Qui va avoir 6 ans, là, bientôt, dans 15 jours. Et donc, c'est comment tu t'appelles ? Walid. Walid, alors c'est difficile, j'imagine, tout ce qui se passe avec les grands, là. Tu vis ça comment ? Est-ce que tu arriverais à pouvoir dire des choses ? En quelques mots, comment tu vis la situation ? Tu sais, je me demande comment toi, tu ressens les choses ? C'est chouette, c'est pas chouette ? Ça t'énerve ? Ça t'énerve ? Oui. Et qu'est-ce qui t'énerve là-dedans ? Les gens. Ouais. Et tu sais dire, c'est quel genre qui t'énerve ? Raphaël. Et c'est qui Raphaël ? C'est mon voisin. Avec qui tu joues ? Non. Il a quel âge Raphaël ? Je sais pas. Il a ton âge plus ou moins ou rien à voir ? Il est grand. Il a quel âge genre 15, 20 ? Je sais pas. Il a mon âge, c'est le voisin avec qui... Il y a eu des frictions, il m'a agressé devant mes enfants et tout. On a porté plainte pour coups et blessures, mais ça avance pas. Et au contraire, c'est nous les coupables, malgré qu'on se fasse agresser. Mais le plus triste, c'est que mes enfants, ils vivent ça. Et pour donner des leçons de morale, c'est bien triste. Voilà. Qu'est-ce qu'on va leur dire à ces enfants, à cette génération qui arrive, quand ils voient tout ça, et qu'ils le vivent et qu'ils le prennent de face ? C'est la question que je veux poser aux élus, mais pas que de la France, de Belgique, d'Hollande, de l'Europe, du monde entier. C'est une bonne question, je crois. Ça, parce que mon petit parle de ce monsieur Raphaël, parce qu'en fait, on a déménagé à la campagne, on a trouvé une petite maison à la campagne il y a 4 mois de ça. Un rêve qui s'est fini en cauchemar finalement, parce qu'on habite dans un lieu-dit. On s'est trouvé contre 5 familles qui n'acceptent pas qu'on habite à côté parce qu'on est maghrébin. Alors ils nous font tous les coups qui peut exister. Mais le problème, c'est qu'ils sont soutenus par des personnes, des élus, et puis même monsieur le maire du secteur où je suis. Ils sont appuyés parce que pour arriver, que ce soit la police ou monsieur le maire lui-même, trouver une maison en me disant il faut que tu déménages, je ne sais pas en vous, je pense que la terre, elle est grande pour tout le monde et que tout le monde a le droit de vivre où il veut, quoi. Alors on dit que la France, c'est l'égalité, tout ça, mais je n'y crois plus, moi. J'y crois plus. Alors c'est pour ça que mon petit parle de ce monsieur-là, parce que depuis qu'on ça l'a traumatisé. Alors maintenant, ils me font des faux dossiers quand même, arriver à faire des complots, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ils m'ont appelé l'SPA, et là, ils m'ont renvoyé un autre dossier des sociaux, là, je ne connais même pas, pour vous dire l'assistance sociale, je ne connais même pas c'est quoi, un papier d'assistance sociale pour mes petits, en disant que maintenant, mes petits sont... Voilà, qui sont en danger, quoi. Mais le problème que j'admets pas, c'est que comme c'est entre des gens qui sont connus contre le maire, tout ça, eh bien, ils font pas d'enquête. Ils vont pas à l'école faire une enquête. Ils vont pas, mettons, chez nounou, quand on a une nounou, ou à la crèche. Ils vont directement vous envoyer un papier et on vous harcèle et on vous fait peur. Pourquoi ? Parce qu'avant, nos parents, ils avaient peur, parce qu'ils savaient pas lire. Alors, ça fait qu'ils avaient peur. Alors, ils croient que nous aussi, on est pareil. Mais ils l'ont oublié que nous, on est une génération de France. Malgré qu'on est d'origine, qu'on a des couleurs mates, mon aîné ici, on vit en France, je veux qu'il y a la loi pour tout le monde, on est pareil. C'est pas ici qu'on doit s'intégrer, c'est dans notre pays qu'on doit s'intégrer. Ici, je pense qu'on est intégré suffisamment, plus que les gens qui sont vraiment, qui disent qu'ils sont blancs, quoi. Alors, c'est pour ça qu'il est traumatisé tout ça et qu'il voit qu'à la fin, ça nous retombe dessus. Comme ma fille, elle me dit, ça me fait rire. Maman, ils disent que c'est vous que vous nous traitez mal. Ils ne savent pas que c'est eux qui sont en train de nous rendre fous. Alors, depuis que je suis dans cette maison, j'ai perdu 10 kilos. Vous imaginez ? Alors, c'est énorme. Tout ça pour vous dire que la politique du secteur Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé, quand on a fait notre rencontre et qu'il y avait la manifestation avec les associations. Si j'ai interpellé tous ces gens-là, tous les services sociaux et tout, c'est pour leur dire qu'il y a des choses graves qui se passent dans le secteur. Voilà. Mais quoi? Parce qu'il y a votre situation, elle me semble claire. Vous dites... Par exemple, le courrier que j'ai reçu, gentil comme je suis, je coopère. J'ai appelé pour avertir que ce rendez-vous, je ne pouvais pas venir parce que c'était à 10h le matin que je travaille, que je suis dans la restauration jusqu'à 15h, 16h. C'était un courrier de quoi, en fait? C'est un courrier en me disant, voilà, on vous convoque. Pour vos enfants, on a entendu des propos. Le conseil général, le en fait, c'est le conseil général qui me convoque parce que quelqu'un envoie une lettre comme ça en disant mes voisins, parce que avant j'habitais il y a pas loin d'ici dans notre département, j'ai jamais eu de soucis. Ma fille elle a 11 ans, j'ai jamais eu de problème. Mes enfants travaillent très très bien à l'école. Ma fille elle va dans une école privée. J'ai un petit, ça fait 2 ans qu'il est chez nounou. Je veux dire, on est une famille voilà tranquille, on essaye de faire notre vie quoi. Mais eux ils essayent de mettre des bateaux à cause de cette maison parce que comme ils veulent que je m'en vais, ils savent pas quoi faire. Et comme je résiste, alors voilà, ils font des trucs par derrière. Ils se sont dit, on va leur faire de la méchanceté gratuite, qu'on m'appelle les SPA pour mes animaux, qu'on m'appelle les sociaux pour me toucher pour mes enfants. En 4 mois, j'ai eu tout ça. Alors, je change de département, ça fait même pas un mois que j'ai l'assistance sociale sur moi en disant que mes enfants ils sont maltraités. Je n'admets pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés regarder au passé. Ils ne sont pas dit, cette femme, ça fait juste quand même un mois qu'elle habite ici. On va vérifier où elle habitait avant. Et l'école où ils sont les enfants, c'est là une nounou. D'habitude, on se renseigne en généralement, on ne vous met pas une étiquette parce que monsieur est connu. Parce que voilà, sa mère, elle travaille là, ou son père, il a des connaissances. Parce que pour eux, moi, voilà, comme je suis toute seule, en plus, je suis marocaine, et bien voilà, je suis rien pour eux, comme ils me disent. Je suis, voilà, je suis... Alors, ils me font des coups tordus comme ça. Mais ça ne va pas que ça gâche la vie des gens, ça fait des problèmes, et voilà, c'est du mensonge. Si, ils le savent que ça gâche la vie des gens, voilà, ils le savent. C'est exprès qu'ils le font, quoi. C'est une réelle volonté de vous nuire, quoi. Voilà. Et j'ai l'impression que tout le monde est dedans, même celle-là. Social, quand je l'ai appelé, je l'ai averti, je lui dis voilà, je lui expliquais mon cas, qu'en ce moment j'étais harcelée, que même j'étais suivie par un docteur, que j'ai perdu du poids, qu'avant j'avais aucun problème, qu'elle connaît très très bien ma nounou, parce qu'elle travaille avec le conseil général, elle a vécu lui passer juste un coup de fil pour se renseigner. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle veut rien savoir, que c'est la structure. Je suis tout à fait d'accord qu'ils font leur travail, mais elle me renvoie un autre courrier en disant qu'elle n'a pas pu me joindre. Tout ce que je lui ai dit, elle n'a pas tenu rigueur. Elle m'a envoyé un autre courrier en disant qu'elle n'a pas pu me joindre et qu'elle m'a envoyé directement en haut, quoi, directement sur le conseil général. Quoi. C'est ça, hein, c'est un truc de fou. Hein. Mais bien sûr, c'est un truc de fou. Mais bon, moi, j'ai fait une lettre au conseil général. Je lui ai écrit une lettre recommandée pour lui expliquer ma situation avant qu'elle arrive. Et c'est ça qui embête ces gens-là. Parce que nous, parents, ils n'auraient pas fait ça avant. Et c'est pour ça que ça les embête qu'on sache lire, qu'on sache aller à l'école, qu'on sache se débrouiller, quoi. En tout cas, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il faut faire gaffe. C'est délicat ce que je dis, hein, parce qu'en même temps, on veut votre peau, et en même temps, il faut faire gaffe à ne pas devenir complètement parano sur tous les fronts. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous avez tout à fait... le droit de l'être, évidemment, mais il faut faire gaffe à ça. Mais pourquoi vous ne vous faites pas aider par des gens qui sont dans le secteur et qui... C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a été quelque chose et qu'on a fait votre rencontre. C'est parce qu'à chaque fois qu'on pose et qu'on appelle des gens pour de l'aide, il n'y a personne. Mais quoi, ça veut dire que tous ceux de Sainte-Foy-la-Grande se donnent la main pour en fait être fachos et pas vous aider? En ce moment, c'est vraiment le cas de le dire. Ça, j'ai difficile à croire qu'il n'y a pas une personne qui est prête à vous aider dans une ville de combien d'habitants? 2800 habitants. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas prêts, c'est qu'ils attendent quelqu'un qui se lève parce qu'ils croient que tout le monde pense comme eux. Mais en fait, les racistes, il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, les gens qui sont fascistes, tout le reste, il n'y en a pas beaucoup. C'est juste qu'ils ont monopolisé la parole. Mais le fait que quand on parle, comme aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de gens qui vont se réveiller. Et je vous donne rendez-vous, par exemple, ce soir, à venir parler à tous les commerçants. Parce que je ne suis pas parano, parce qu'on est plusieurs dans cette situation. Et je vous donne rendez-vous le jour où on va monter notre association. On va être beaucoup, beaucoup de monde. Et vous allez voir qu'on ne sera pas isolé. Et vous allez voir qu'on va être défendu. Qu'il y a beaucoup de monde qui va se réveiller. avait, on était obligé quand même de passer par là, de créer notre vraie notre association pour se défendre, parce qu'on a fait des appels à SOS Racisme, on a fait appel à Droits de l'Homme, mais c'est plus moi j'ai jamais, c'est la première fois que j'ai fait appel à ces gens-là, mais franchement ils m'ont pas aidé parce qu'appel à l'appeler le maire, je sais pas de quoi ils ont discuté, ils ont vachement changé parce que de elle-même elle m'a demandé de déménager. Ça veut dire quoi? Pourquoi eux on leur dit pas de déménager? Ouais. Eux, tu veux dire les pouvoirs politiques, quoi? Non, mes voisins. Juste mes voisins. Parce que la femme de Droits de l'Homme, à moi, elle me dit de déménager. Elle était là pour m'aider, pour me soutenir. À la fin, elle s'est retournée vers moi. Elle m'a dit, il faut que ça soit moi qui déménage. Elle est blasée, quoi. Voilà, quoi. Alors, et puis, bon, moi, je trouve que j'admets pas. Je partirai pas la tête baissée, quoi. Mais moi, je trouve ça formidable, votre combat. Après, il y a les enfants. Surtout et c'est, ça doit pas être marrant quoi, pour à vivre les enfants, pour les enfants. Ouais. Surtout pour mes enfants, ils voient ce qui se passe. Et les personnes à cet âge-là, comment leur parle, parce qu'on a eu des réunions en mairie, on a tout fait, on a demandé d'avoir une réunion pour avoir une explication. Parce que c'est dur de se trouver face à des gens qu'on ne connaît pas, et eux, ils ne te veulent pas, qu'on n'a jamais vu. C'est un truc, c'est la première fois que j'ai vu cette histoire-là, je ne savais même pas que ça existait, quoi. Tout le lieu est dit, il est contre nous, c'est vraiment un film. Tous les jours, au début, j'avais monsieur le maire qui était chez moi. Parce que ces gens-là, ils connaissaient un petit village de campagne, de vignes, tout ça, qui font du vin et tout, ils se connaissent tous, quoi. Et on le voit bien, après, je me suis renseignée avec le temps, dans toute la ville et la campagne, il n'y a pas de Marocain. Et un seul Marocain, il a fait une belle maison et il l'a mis en vente. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce qu'il est parti, parce qu'il n'a pas eu le courage d'affronter tout ce monde-là. Ouais. Mais bon, moi, je ne partirai pas, parce que je ne suis pas un lâche. Surtout quand je n'ai rien à me reprocher. On vient des montagnes, on a le courage. Donc on n'arrête pas le combat comme ça. On ne tourne pas les talons. On n'est pas des gens comme ça. On n'est pas de cette génération aussi. Voilà. On veut se défendre. On a la place dans cette démocratie. On a notre place. Moi, je suis né ici. Je crois que je suis chez moi, tout simplement. Mes enfants, encore plus. Ça fait au moins 8 ou 10 ans que je ne suis pas rentrée dans mon pays d'origine. Quoi. Je ne connais pas mon pays d'origine. Il faut arrêter parce qu'on est mat, ça y est, c'est des Marocains. Il faut arrêter. Même là-bas, pour eux, on n'est pas des Marocains parce qu'ils sont racistes là-bas aussi envers nous. Alors, vous savez, on est au milieu, on est perdu en fait. Bon, ben, moi, je vous souhaite vraiment bon courage quoi, parce que ça ne doit pas être marrant. Quoi. Je crois que moi, je partirai. Quoi. Moi, je partirais parce que moi, je partirais. Ce que vous dites, vous, c'est ce qu'on entend tous les jours. Voilà. Imaginez-vous si, pendant la guerre précédente, si tout le monde aurait fait la même chose. Je ne comprends pas là ce que tu veux dire. Laquelle guerre? 40-45? Par exemple, ou celle d'avant, où on se met à la place des gens... n'importe quelle guerre. Si les gens, quand ils affrontaient les problèmes, ils partaient. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Je ne comprends pas ce que tu veux dire toujours là. Si les gens, durant la guerre, ils n'avaient pas... ils n'auraient pas fait la guerre alors. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Si moi, je ne suis pas pour la guerre. Hein. S'ils n'auraient pas eu ce courage de défendre, par exemple, un pays. Mais c'est absurde de défendre un pays. Et pourquoi? Ah ouais, bah là, tu abordes un autre sujet. Bah, c'est ça le nationalisme. Pour moi, c'est ça le fascisme. Non. Pour moi, oui. Je veux dire, faire la guerre... Attends, écoute, parce que faire la guerre entre un pays voisin... sous prétexte que durant la guerre 45, c'était les Juifs qui n'étaient pas bien, les Tziganes, enfin imagine quoi, c'était vraiment dire que la race aryenne, les Allemands étaient les meilleurs. C'est ça le nationalisme pour moi, c'est ça le début du fascisme, hein. C'est dire que notre nation, notre pays est mieux et on est prêt à se défendre pour. Non, on s'est mal compris, il y a vraiment confusion. Là, je vous dis, justement en parlant de la guerre, que vous me dites par rapport aux Juifs, aux Tziganes et tout ce qu'il y a. S'il n'y avait pas les gens qui les avaient défendus, on en serait où? Il n'y en aurait plus dans ce monde. On les aurait exterminés. Vous imaginez un monde sans ces gens-là? Ça serait bien triste, je crois. Oui, oui, mais ça partait de l'idée de combattre. Moi, je suis pour le combat. Il n'y a aucun problème. Tu dis? Il voulait s'exprimer pour aider les gens, en fait. Il parlait de les gens qui aident les autres personnes. Je dis que tous les combats doivent être défendus. Tous? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais peut-être pas, non. Toutes les causes doivent être défendues. C'est ça, une démocratie. Ça dépend quelle cause? N'importe. Si celui qui aime les fleurs, il a le droit de défendre les fleurs. Celui qui aime les cailloux, il a le droit de défendre les cailloux. On n'a pas le droit à la pensée unique, c'est tout. Oui, mais c'est pas ça l'idée de départ. L'idée de départ, c'est dire qu'on parle de votre combat. Moi, je dis franchement, je pars. Pourquoi pas, moi, je suis une combattante, vraiment. Mais avec mes enfants et tout, je leur fais pas subir ça parce que ils vont grandir dans cette idée que les autres, il faut se battre, tu vois. Rien que pour ça, moi, je me barre. Oui, voilà. Mais mes enfants, on les protège, en fait, parce qu'après, je veux dire, quand on est à la maison et tout, c'est une discussion qu'on n'aborde pas, qu'on vit normal, hein, je veux dire. Parce que moi, je les ignore, ces gens, je leur parle pas, ni rien. Eux, qu'est-ce que j'admets pas? Ce qu'ils me font des coups par derrière. Qui me font des, voilà, des... Oui, je sais, mais du coup, ça, imaginez, enfin, ce que je veux simplement vous dire... Ils sont bien, mes enfants, si vous voulez déménager, si vous voulez qu'on parte, et ceux qui veulent qu'on reste, quoi, il y a ma fille, elle a 11 ans, elle est là, elle peut en témoigner, et ceux, elles, qui veulent rester, et voilà, quoi. C'est vraiment, ça a touché, vraiment, je voyais mes enfants et tout, je pense que peut-être que je serais partie, parce que des fois, il y a des fois, oui, j'ai envie de partir, bien sûr que j'ai envie de partir. Ouais, d'avoir une vie normale, avec des gens, vous voyez ce que je veux dire, c'est bon, quoi. Quand vous avez un projet, que vous avez dépensé de l'argent, parce que cette maison, c'était un achat, que c'était parti pour un achat, c'était parti pour acheter, il y a eu des dépenses, j'ai fait des travaux, il y a eu plein de choses, alors je peux pas évidemment partir, il faudrait que je trouve une maison, en plus de ça, il me faut une caution, il y a plein de choses, en fait, c'est vraiment, on peut pas barrer la route à quelqu'un comme ça, parce qu'il y a des personnes qu'on ne veut pas à côté, c'est n'importe quoi, voilà que j'admets pas, je te plais pas, ne me regarde pas, je veux dire, c'est loin, la terre est grande, je veux dire, chacun chez soi. Moi, je suis pour votre combat. Comprenez bien ma nuance. Hein. Je suis vraiment quelqu'un en plus de combatif. Je vais pas me laisser abattre comme ça. Mais je trouve qu'avec des enfants, c'est encore un autre choix parce que quelque part, c'est leur construction, vous voyez. Et puis, c'est pas chouette pour eux, quoi, d'avoir une enfance comme ça. Voilà, ça pose plein de questions. Hein, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça qu'on se retrouve dans cette situation. Elle est compliquée. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui nous soutiennent. Voilà, comme tout à l'heure, on a rencontré une personne qui nous a demandé de former une équipe qui nous soutienne. Bon, voilà, c'est des choses comme ça qu'on a besoin. Oui, je suppose que ça fait plaisir, ça, d'entendre ça, qu'on n'est plus tout seul. Ça fait chaud au cœur, parce que justement, c'est dur à vivre, tout ça. Ouais. Très, très dur. Surtout pour quelqu'un qui est né en France, toujours. Oui, c'est ça, quoi, c'est dingue. Oui, c'est ça. Devriez-vous teindre en blond? Ben, peut-être, mais je crois pas que ça soit la solution. Mais se battre pour travailler en 2015 alors que le taux de chômage est en train de monter, c'est une politique contradictoire. Eh bien, c'est la politique de l'autruche. Et toi, tu vois quelque chose à dire là, sur tout ça? Non? Non, merci, Eddy. Voilà. Non, mais je crois que c'est suffisant. On a fait le tour. Ouais. On a fait le tour. Voilà, en espérant que la vie change pour tout le monde, parce qu'on veut tous la même direction, on veut tous la même chose, mais on prend tous la direction différente. Moi, je crois que je me suis mal... Vas-y, refais-le. On veut tous la même chose, mais chacun prend une direction différente. Et c'est quoi cette même chose que tout le monde voudrait? La tranquillité, la vie paisible, la réussite. Vivre paisiblement avec ses enfants. Vous, madame, les mots de la fin? Voilà, pas obligé, hein, non. Je demande juste pareil, la tranquillité, comme j'avais ma vie avant, être tranquille avec mes enfants, une vie normale, et quoi. Pouvoir travailler tranquillement sans être harcelé, parce qu'on se dit, quand on va au travail, on laisse notre problème devant la porte et on arrive, l'esprit, pour sauver les autres personnes, notre client. C'est, surtout quand on est commerçant, je veux dire, c'est important parce qu'on doit affronter notre cliente, quoi. Je veux dire, il faut qu'on soit là pour eux, il faut qu'on parle avec eux, il faut qu'on leur donne la joie de vivre, le sourire. Alors, si on vit avec la tête pleine et puis quoi, on a des barrières devant la porte, comment on voulait qu'on donne cette belle énergie à ces personnes-là, que voilà, quoi. Je veux dire, un client, il vient pas surtout pour manger ou il vient pour apprendre. Lui aussi, il vient pour passer un moment, pour discuter, pour avoir un sourire partagé. Voilà, quoi. Tout ça. C'est un ensemble, en fait. On ne demande pas grand-chose, juste d'être tranquille et de travailler dans la tranquillité. D'un cul? Ça, c'est en flamand, on dit comme ça en Belgique. En flamand. D'un cul. D'un cul. Merci, hein. Merci à vous. Pourquoi, Jérôme, tu es parti? Quand je t'ai vu, malgré tu m'as plu. Le oh, Jérôme, pourquoi tu m'as quitté? Jérôme, tu m'as quitté. Ensuite, ici nous jouons l'after break, ce qu'on appelle l'after break. Par exemple, une des notions d'indépendance de base, ça serait par exemple de jouer différentes figures de grosse caisse sur cette indépendance. Sans les triolets, voilà. Un tempo de base, mettez-vous dedans. Pensez à ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le groove. Oh yeah, yeah, now, yeah. Donc, maintenant, je vais développer le travail au clic. Donc, tout d'abord, l'intérioriser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, je vais jouer un pattern. Je vais jouer un pattern assez compliqué pour vous montrer... la mise en place aussi. La mise en place, c'est-à-dire être dans les décompositions du clic. Décomptez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.